m'a toujours fait marrer. D'être ce que les gens appellent la belle société. Là qui pense à faire plaisir, moi c'est juste la haine. J'attends ce dernier soupir pour niquer le système. Je suis un être plus loin le dernier qui reste. J'ai toujours trouvé celui de bosser les moraises. Ma femme me disait toujours que j'étais un obsédé. Que si j'ai continué ça, je me punirai. A lui aussi je lui en dois une, je ne l'ai pas oublié. C'est pour ça que cette nuit je vais me faire tuer. Je suis un être plus loin le dernier qu'il reste. J'ai toujours trouvé sublime de passer les mauvaises. Je suis un être plus loin, le dernier qui reste. J'ai toujours trouvé ce livre pour célébrer.